Deuxième partie. Une succession d'événements étranges. Le journal de Jean Uther, qui nous fut légué par une vieille paysanne des Carpates et qui a trait aux événements qui se déroulèrent dans la ville de Wisborg au printemps de 1838, s'arrêtait net après le retour du jeune homme auprès de sa femme. Mais sur le cahier de 250 pages qui nous est parvenu, nous avons trouvé des articles de journaux découpés, les fragments d'un journal de bord, différents rapports scientifiques et des notes personnelles qui nous ont permis de reconstituer les événements qui se passèrent à Wisborg à cette époque. Tous ces papiers sont extrêmement intéressants. D'abord parce qu'ils permettent de se rendre compte de la façon dont, en pleine période romantique allemande, se développait aisément le sentiment de la terreur, même chez les êtres d'une culture supérieure, et ensuite parce que, malgré toutes les explications que l'on peut trouver aujourd'hui, il n'en subsiste pas moins que certains faits énoncés restent particulièrement troublants. On verra, dans la suite de ce récit, des phénomènes que la science tente vainement de rendre compréhensibles. D'ailleurs, afin de ne pas nous fier seulement au seul document de Jean Uther, nous avons réuni nous-mêmes les notes que nous avions prises à Wisborg au sujet de la fameuse épidémie, et nous avons constaté que l'auteur du journal que nous publiâmes n'avait absolument rien exagéré. On peut même dire que pour ce qui s'est passé à Wisborg parmi la population, ces documents ne donnaient qu'une idée affaiblie. Nous avons rassemblé tous les renseignements qui nous venaient de lui et ceux que nous avons retrouvés dans les archives de la bibliothèque municipale de Wisborg pour en faire une page d'histoire qui a toute la véracité que l'on peut exiger d'un récit puisé aux meilleures sources. Lettre du docteur Bulwer à M. Jean Uther à Wisborg, 2 mai 1838. Cher ami, j'ai beaucoup regretté d'être obligé de m'absenter de Wisborg au moment où votre femme paraissait dans un état de santé précaire. Vous savez l'affection que j'ai pour Hélène, et ce m'est une satisfaction profonde que de pouvoir vous être utile et apporter quelque soulagement à son état. Si j'avais eu la certitude de rentrer à Wisborg prochainement, je ne vous eusse pas écrit, et vous eusse épargné la lettre que je vous envoie, car de vive voix j'aurais pu être plus explicite. Mais mes affaires de famille n'en finissent pas, et je ne saurais encore fixer une date précise à ma rentrée. J'ai pensé que quelques indications sur le cas de votre femme et quelques conseils auraient leur utilité ces jours-ci. C'est pourquoi je me permets de vous adresser cette assez longue épître. Mon cher Uther, ne vous le dissimulez pas, votre femme est dans un état grave. Jusqu'au moment de votre départ pour le château du comte Orlok, j'avais cru pouvoir vous dire que ces troubles nerveux que nous constations et que nous combattions par du repos pouvaient n'être que passagers et ne constituaient pas d'alarmants symptômes. Mais depuis ce qui s'est passé pendant votre voyage, je ne saurais vous cacher que la santé d'Hélène me cause de constants soucis et que je cherche en vain le moyen d'y porter un remède efficace et rapide. Il n'y a pas de doute, votre femme subit un envoûtement. Lequel, je ne saurais le déterminer, mais il me semble bien que les lectures auxquelles elle s'adonne, et qui portent particulièrement sur les histoires légendaires des vampires, sont une indication. Comment, me diriez-vous, peut-on supposer qu'un être raisonnable se laisse prendre à ses récits et ajoute quelques créances à ces fantastiques racontars que nos arrière-grand-mères se rapportaient le soir à la veillée? Je ne cherche pas d'explication, ou du moins, celle que je pourrais vous donner ne satisferait probablement pas votre esprit positif, et vous vous étonneriez que votre ami, auquel vous accordez quelques crédits pour sa qualité d'homme de science, soit lui aussi sensible à des superstitions dont vous condamnez la niaiserie. Pourtant, mon cher ami, je suis convaincu que les vampires existent. Ils n'ont point cette forme bizarre que leur prête l'imagination populaire. Les uns les voient sous la forme de bêtes étranges qui courent les cimetières, ouvrent les tombes et se nourrissent des morts. Les autres se les figurent comme des sortes de fantômes, habitant les marais ou les endroits malsains et se précipitant aux heures nocturnes sur les bêtes ou les hommes effrayés pour leur sucer le sang. Ce n'est pas ainsi que je me les fabrique. Pour moi, ce sont les hommes comme les autres, et si je voulais vous donner une idée de ce que j'appellerais vampire dans une ville comme Wisborg, je vous renverrai à M. Knock, votre patron, qui me paraît être le type du vampire humain. Pour autant que je vous l'ai entendu dire, le comte Orlok, auquel Knok vous adressa, est un être de ce genre. Vous avez constaté vous-même tout l'intérêt qu'il portait à votre personne, et vous avez de vos yeux vu un homme se précipiter sur vous, vous plonger dans le cou des doigts acérés et sucer votre sang. Ce n'est pas là simplement le fait d'un maniaque. Vous avez cru à quelque folie. Vous vous êtes justement effrayé, et quand vous êtes revenu à Wisborg, vous m'avez exposé vous-même les terreurs que vous aviez connues et la nécessité qu'il y aurait à dénoncer le comte Orlok aux autorités médicales et judiciaires afin de l'empêcher de nuire. Je suis tout à fait de votre avis, mais votre diagnostic, si je puis dire, est insuffisant. Ni le comte Orlok, ni Knok ne sont des maniaques ou des démons. Ce sont proprement des vampires de la race de Bélial. Et Nosferatu est un être qui fera parler de lui beaucoup plus tôt que vous ne le croyez, car vous avez été attiré chez le comte Orlok dans un piège dont vous ne soupçonnez pas le danger. Que vous a dit le comte Orlok, alias Nosferatu, dès qu'il vous a vu? Il vous a demandé le portrait de votre femme. Et qu'a-t-il remarqué? Son cou. Voilà l'important. Voilà ce que vous n'avez pas compris sur l'instant. Et voilà la relation que j'établis entre la maladie de Madame Uther et votre voyage au château. Mais, me direz-vous, nous sommes en pleine fantasmagorie. Mon brave Belwer est lui aussi atteint d'une sorte de folie et il voit des vampires partout. Je veux bien l'admettre et je sais bien que tous les médecins de Wisborg, que les savants de notre université sont sceptiques pour les conclusions. Cependant, voulez-vous me permettre de vous faire remarquer que dans la nature, le vampirisme existe. Nous connaissons tous, nous autres médecins, des insectes qui vivent sur les plantes, se nourrissent de leur suc, tuent la plante pour vivre eux-mêmes. Mieux encore, il existe des plantes qui vivent de sang. Vous mettez dans la corolle de certaines fleurs de la viande fraîche, la corolle se referme, la viande et le sang sont peu à peu absorbés par la fleur qui se nourrit de cette façon, et de cette façon également, peut se développer. C'est ce qu'on appelle les plantes carnivores. L'homme lui-même ne vit que du sang des bêtes, que de sacrifices se font tous les jours semblables à ceux des Phéniciens devant leur dieu pour nourrir la bête humaine. Pourquoi voudriez-vous qu'il n'existât pas des individus d'une intelligence raffinée, d'une nervosité en effet excessive, qui est trouvée dans ces exemples que donne la nature, motif et prétexte au développement d'étranges passions? Ces êtres-là croient fermement que leur vie dépend de la vie des autres, et comme les alchimistes s'imaginaient, en mélangeant à certaines compositions du sang humain, former des cellules primitives pour faire de l'or. Ainsi le vampire, pour faire de la vie, croit bon de mélanger aux aliments dont il se nourrit du sang frais d'hommes, de femmes ou d'enfants. La démonologie vous apprendra que c'était la passion courante autrefois. Il n'est pas douteux qu'il y ait encore des alchimistes et que la science elle-même, qui les a méprisés si longtemps, ne revienne un jour à leur conception. Donc, j'établis que le comte Orlok Nosferatu est un vampire. Il est en outre une sorte de sorcier, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir à distance sur les volontés. Je suis persuadé qu'il envoûte actuellement notre pauvre Hélène, comme il a envoûté Knok, et que votre femme subit son influence et vit en son pouvoir. Voilà l'explication qui me paraît la plus rationnelle de son cas. Que voulez-vous que j'y puisse faire? Il faudrait que ma volonté fût supérieure à celle du comte Orlok, que la vôtre le fût également, et que nos efforts conjugués puissent détourner de la malheureuse les effluves de Nosferatu. Jusqu'à présent, je ne vois pas que nous puissions réussir. La seule recommandation que je puisse vous faire, c'est d'éloigner d'Hélène tout ce qui peut se rapporter au vampirisme. C'est d'essayer de l'entretenir dans une gaieté aussi grande que possible. Il faut la faire sortir, il faut lui procurer des distractions, et dès que vient le soir, il ne faut pas la quitter, car l'ombre est particulièrement propice aux vampires. Voilà tout ce que je peux vous dire, mon cher Jean, et j'en suis désolé. J'eusse aimé, je vous l'assure, vous apporter un remède immédiat. Tranquillisez votre esprit, car après ce qui vous est arrivé pendant votre voyage, vous avez certainement besoin vous-même d'un grand repos. Mais il faut bien, de temps en temps, reconnaître sincèrement que notre science est impuissante et que les esprits malins se liguent contre elle sans que nous puissions espérer les vaincre. Je vous demande pardon de cet acte d'humilité. Vous savez que je suis votre ami sincère et dévoué, Dr. Bulwer. » Il semble bien qu'à la suite de cette lettre, Jean Uther ait été très impressionné. D'après ses notes, que nous ne reproduisons pas ici, perce qu'elle serait fastidieuse et d'une lecture difficile. On s'aperçoit que le jeune homme, peut-être incrédule au début, n'a cessé ensuite de réfléchir sur les étranges problèmes que lui proposait son ami le docteur Bulwer. Il a pris soin d'écarter de la malade tous les livres qui pouvaient avoir quelque influence sur son esprit. On voit qu'il a essayé de la distraire par des lectures amusantes. On note qu'il est sorti plusieurs soirs de suite, mais on s'aperçoit aussi que les résultats de ses efforts ont été pour ainsi dire nuls. Hélène est de plus en plus fatiguée. Au milieu du mois de mai, elle est obligée de rester 3 jours au lit. Elle a pendant la nuit des cauchemars terrifiants. Elle aperçoit, dit-elle, au pied de son lit, un homme vêtu de noir qui la regarde fixement et cherche à lui communiquer ses pensées. À la description qu'elle fait de ce personnage nocturne, Jean Uther croit bien reconnaître le comte Orlok. Dès que tombe le crépuscule, Hélène, si elle est dans le jardin, se met à courir, en disant qu'elle est poursuivie par l'homme vêtu de noir. Et si à la nuit, il n'y a pas de lumière dans sa chambre, elle croit voir son persécuteur dans tous les coins et recoins de la pièce. Mieux encore, la lecture de la Gazette de Wisborg, de mai 1838, nous fournit de très sérieuses indications sur l'atmosphère bizarre qui commence à peser sur la ville. On ne saurait rien dire de précis. On ne cite point de faits sensationnels, mais enfin, en parcourant quelques articles qui relatent les menus événements qui se sont passés dans la cité, on constate qu'ils ont tous un caractère d'étrangeté dont on ne saurait ne pas être frappé. Il y a des suicides dont on ignore les causes. Il y a des cas de folie qui sont signalés. Et enfin, l'arrestation de M. Knock, qui paraît d'autant plus singulière quand on sait ce qui s'est passé dans la suite. M. Knock, qui jusque-là avait été considéré dans Wisborg comme un commerçant très honorable, mais comme un homme aux allures un peu particulières, s'est promené pendant toute la nuit du 18 mai dans la ville en criant « Le maître va venir! Le maître va venir !» On trouve dans la Gazette ce curieux interrogatoire fait par le chef de la police de Wisborg en présence de plusieurs témoins. « Qu'entendez-vous, M. Knock, par le maître ?»« Le maître est le maître. » »« Mais ne pouvez-vous nous dire qui porte ce nom dans votre esprit ?»« Non, c'est un secret. » « Avez-vous reçu des communications, des lettres qui vous permettent de dire que le maître est en route ?»« Oui. » »« S'agit-il d'une conspiration contre la sûreté de l'État ?»« Laissez-moi rire. »« Je vous en prie, Monsieur Knock. En voulez-vous à la forme du gouvernement ?»« Il s'agit bien de cela. » »« Serait-ce un blasphème contre la religion ?»« Vous n'y comprenez rien. » »« Monsieur Knock, réfléchissez bien à ce que vous dites. Je n'ai pas besoin de vos conseils. »« Vous n'avez peut-être pas toute votre raison. » Depuis quand les imbéciles soupçonnent-ils les gens raisonnables d'être fous ? Monsieur Knock, faites attention à vos propos. Monsieur le chef de la police, vous êtes un imbécile. Je vous le dis comme je pense. La Gazette de Wisborg n'en rapporte pas plus long. On devine que Monsieur Knock fut mis en prison pour injure aux représentants de l'autorité impériale, injure à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Cette arrestation de M. Knock fut d'ailleurs le point de départ d'autres événements dont nous n'avons pas trouvé l'enchaînement logique, ni dans les cahiers de Jean Uther, ni dans les feuilles de Wisborg, mais qui s'éclairent singulièrement à la lecture du livre de bord du capitaine Bergen, commandant le navire de transport fluvial Otto Friedrichs, qui remontait le cours du Danube et venait régulièrement de la mer Noire à Wisborg pour transporter des marchandises de toutes sortes. Aucun des documents que nous avons eus entre les mains n'est plus impressionnant ni plus explicite. Nous le publions intégralement et tel que nous l'avons trouvé.